Chapitre 17e. La rage mue. Charles Thénin, pendant que sa maîtresse Réginald d'Oultrême était au spectacle, pendant que son fidèle domestique passait la soirée avec son ami Lamorce, pendant que chez lui Paulin Broquet examinait ses pantalons, Charles Thénin se trouvait devant le tapis vert où il perdait tout l'argent qu'il voulait, selon la caractéristique des joueurs. Au petit jour, il se décida enfin, la veine persistante à le fuir, à rentrer chez sa maîtresse. Au lieu de se coucher, il se mit à se promener dans la chambre. Il marchait d'un pas lourd, irrégulier, puis s'arrêtait, allait s'asseoir dans un fauteuil, les yeux fixés sur un point du tapis, des murs, dans une immobilité étrange. Plusieurs fois, Réginald s'éveilla, car c'est un phénomène connu qu'on dort mal quand quelqu'un veille dans la chambre où l'on est couché. « Viens donc, » lui dit-elle à diverses reprises, « viens dormir. » Il répondait par un grognement. À vrai dire, il alla plusieurs fois se coucher, mais pour se relever aussitôt et recommencer sa promenade. « Mais qu'est-ce que tu as ?» lui demanda Réginald, inquiète. Charles ne répondit pas. Réginald crut deviner. « La culotte, la forte culotte. Encore. Tu paieras, tu le peux maintenant, tu paieras demain, mais à présent, viens te coucher. » Charles Thénin finit par céder. Il se mit au lit. Cette fois, il s'endormit du sommeil lourd des hommes accablés. Au jour, il se leva. Il semblait plus calme. Le repos lui avait fait du bien. Il se montra d'excellente humeur, charmant, aimable. Autant hier, il était sombre, farouche, ennuyé, autant à présent, il apparaissait content, gai, rieur. Il chantonnait en faisant sa toilette. Il plaisantait. Jamais Réginald ne l'avait connu d'une telle gaieté. Elle pensa. « Bon, la culotte d'hier est oubliée. Il va payer, et tout sera dit pour celle-là. Il en sera quitte pour en prendre une autre. » Charles Thénin proposa à sa maîtresse de faire un tour au bois avant déjeuner. « Il faut aussi, dit-il, que j'aille chez mon banquier. Je t'accompagnerai, si ça te fait plaisir. » Le banquier, pour le moment, était un bon usurier, car la liquidation de la succession de l'oncle n'était pas faite et le notaire, chez qui le testament se trouvait déposé, ne pouvait avancer à l'héritier au neveu tout l'argent qu'il demandait. Après la promenade au bois, qui fut délicieuse, Charles Thénin, dont l'humeur ne cessait d'être charmante, emmena sa maîtresse jusque chez son prêteur. Réginald resta dans la voiture pendant que son amant allait aux négociations. Quand il reparut, Charles Thénin avait toujours son air souriant, heureux. Il mit dans les mains de sa maîtresse un paquet de billets bleus, des grands. « Ça, dit-il, c'est une surprise pour toi. Voilà pour t'acheter un chapeau, un costume, ce qui te plaira. » Réginald n'était venu jusque-là que dans l'intention de demander à Charles une part de l'argent touché, un morceau de la galette que ce soir le tapis vert dévorerait. Mais elle n'avait pas osé compter sur un paquet, surtout un lendemain de culotte. Aussi fit-elle mille fêtes à son amant, qu'en ce moment elle adora véritablement. Tous deux, d'une humeur radieuse, s'en allèrent déjeuner dans un restaurant des boulevards, puis Réginald abandonna Charles, qui s'en fut régler ses engagements de la veille. Réginald, son paquet de billes de mille en main, commença par se rendre dans un grand magasin où elle fit de nombreux achats. Ces achats, elle réglerait demain la livraison. Et selon l'habitude, ces achats seraient livrés demain, à l'heure où monsieur serait chez elle. Puis, comme le paquet n'était même pas écorné, elle se rendit chez son couturier qui lui donnait tout le temps qu'on voulait. Enfin, après divers achats dans les mêmes conditions, Réginald, s'apercevant que son paquet de billets de mille était intact, et pensant qu'il n'était pas bon de garder trop d'argent chez soi, se fit conduire, avant la fermeture de la caisse, dans un grand établissement financier. Là, elle fit ajouter à son compte le paquet. Puis, souriante, elle rentra chez elle, jugeant qu'elle avait fort bien employé sa journée. Elle était de retour depuis quelques instants seulement quand sa femme de chambre lui annonça une visite. « Un monsieur très bien, mais qui n'a pas voulu donner son nom. » Il n'a qu'un mot à dire à madame. » Très intrigué, Réginald hésita quelques secondes. Mais comme elle était encore bien coiffée, que son déshabillé d'intérieur était très élégant et qu'elle se trouvait très jolie, elle se décida à recevoir ce visiteur mystérieux. « L'inconnu, se dit-elle, c'est peut-être le rêve qui se réalise, l'espoir entrevu. » Elle pensa en même temps que les culottes de Charles allant en augmentant, la succession de l'oncle ne durerait pas longtemps. et sa conscience lui cria « Une jolie fille comme toi, douce, tranquille, aimante, ne peut rester avec un amant qui a cette horrible passion du jeu, surtout quand il s'est ruiné. » Elle se demanda « Là, derrière la porte de mon salon, cet inconnu, qui est-ce ? Prince russe ? Bien démodé, le prince russe. Rastaquer ? Faut se méfier. Truster américain ? Saint-Antoine de Padoue, envoyez-le-moi. » Et Réginald, ayant fait une courte prière, appuya la main sur le bouton de bronze ciselé, disant encore « Pourvu que ça ne soit pas un jeune roi, on n'a que des ennuis avec eux. » Enfin, elle ouvrit la porte et entra, froufroutante, souriante, les yeux accueillants. L'inconnu avait fort bonne mine. C'était un bel homme distingué, un parfait gentleman. Mais Réginald, très physionomiste, très psychologue, comprit immédiatement que ce n'était pas du tout le visiteur qu'elle voyait en rêve. « Madame, commença-t-il, je vous demande pardon de me présenter ainsi sans être connu de vous et sans me nommer. Quand je dis mon nom le plus souvent, sans raison, comme c'est le cas ici, on est effrayé. Et les commentaires prennent leur vol comme une troupe de canards. À qui ai-je le plaisir ? Je suis Paulin Broquet. » Réginald sursauta. « Le détective ! » s'écria-t-elle. « Rassurez-vous, madame, et veuillez ne voir en moi qu'un simple visiteur, qui croyait trouver ici, dans ce nid délicieux, auprès de sa délicieuse amie, M. Charles Thénin. » Paulin Broquet, ayant rassuré à peu près la jolie Réginald, reprit « J'ai eu à m'occuper, vous le savez sans doute, du meurtre de l'oncle regretté de M. Charles Thénin. Oui, monsieur, en effet, Charles m'a souvent parlé de vous et votre habileté est proverbiale. Avez-vous trouvé l'assassin de l'oncle ?» Je ne puis officiellement le déclarer. Je ne le tiens pas encore, mais c'est une simple question d'heure maintenant. » Il ajouta. Je voulais demander quelques derniers renseignements à M. Charles Thénin. Je les lui demanderai demain, puisqu'il n'est pas là. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Comme il prenait congé, incidemment, Paulin Broquet glissa dans les dernières phrases. Il est aussi une petite commission dont je n'ose vous charger, parce qu'elle peut causer un peu de peine à M. Thénin. Cependant, faite par vous, la peine sera grandement atténuée. De quoi s'agit-il ? Monsieur Charles Thénin vous a sans doute dit que son pauvre oncle avait un petit chien, qu'il aimait beaucoup. Oui, Pyram. Pyram, c'est cela. Or, cette bonne bête qui a essayé de défendre, comme elle a pu, son malheureux maître, a été tellement furieuse contre l'assassin, s'est mise dans une si forte colère qu'elle en a été malade. Les magistrats et moi, au moment de l'enquête, nous avons été frappés par l'air triste, sombre, farouche du chien. Le docteur demanda qu'on le mit en observation. Il est mort ? Pas encore, mais on va l'abattre, il est enragé. Enragé ? S'écria Réginald en tressaillant. Oui, il est atteint de la rage mue. La forme la plus terrible de la rage, qu'il ne pardonne pas, et qui malheureusement défie tous les sérums, tous les traitements connus à ce jour. La pauvre bête. Oui. Cette forme de rage évolue pendant une quinzaine de jours, puis éclate soudain. Elle est implacable, infaillible, mortelle. Et c'est malheureusement la forme de la rage qui se communique le plus facilement. Une simple morsure, une écorchure à peine visible, un rien, et la rage est donnée. Oh, c'est terrible, épouvantable. Réginald s'écria. Mais alors, si le chien a mordu l'assassin de l'oncle de Charles le soir du meurtre, cet homme est enragé. Il est enragé, oui, madame. La rage chez lui a maintenant, comme chez le chien, opéré son évolution. Le temps est arrivé. Et l'homme, dans quelques jours, demain, ce soir peut-être, l'assassin mordu, qui ne se doute pas de son sort, va tout à coup avoir sa première crise de rage. Il est perdu, et va infailliblement mourir dans des douleurs épouvantables. Saluant sur le pas de la porte, Paulin Broquet conclut « Je ne vous dis cela, madame, qu'à titre de renseignement, car ça n'a ici aucune importance. Veuillez seulement dire à M. Charles Thénin que le chien de son malheureux oncle, malade, accablé de douleur d'avoir perdu son maître, a dû être abattu. Dites-lui aussi qu'on a pris toutes les précautions pour ne pas faire souffrir la pauvre bête. » Paulin Broquet sortira, laissant la jolie Réginald très impressionnée et répétant « La rage mue, Pyram, c'est épouvantable, pauvre chien !»